Chez Dolbo Auto, on célèbre le temps des fêtes en grand avec le Silverado 1500 à 0% sur 72 mois et un rabais de 7 000 $ en valeur totale. Le Sierra 2019 à 0% sur 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de chez Dolbo Auto souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la population et vous invite à la prudence pendant cette période. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini, 418-276-0580. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ces thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortin du 555 des 15 secteurs Mistassini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortin font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortin vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortin au numéro téléphone 276-86-11. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595 ou variétélcr.ca. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9383. C'est avec grand plaisir qu'on reçoit Samuel Piette qui a signé un contrat cette semaine avec l'Impact de Montréal. Salut Samuel! Salut, ça va bien? Ça va bien. Samuel, évidemment, on a eu vent qu'il y avait eu des discussions assez difficiles pour un renouvellement de contrat, mais à la fin de la journée, c'était vraiment l'Impact qui était vraiment ton choix. Oui, exact. Pour moi, c'était très important de rester à Montréal. Je suis très, très content d'avoir trouvé un terrain d'entente avec l'Impact. Je sais que l'Impact savait que mon but était aussi de rester à Montréal. Donc, je pense que c'est un win-win pour tout le monde. Est-ce que c'est vrai que les Wildcats, parce que Vincent Détouche écrivait sur Twitter que les Wildcats de Vancouver étaient fortement intéressés à toi. Est-ce que c'est vrai? Je sais que Vancouver a montré de l'intérêt pour moi, oui. OK. Dis-moi, Samuel, est-ce que le fait d'avoir Thierry Henry comme entraîneur, ça fait quoi? Je veux dire, est-ce que c'est une source de motivation supplémentaire? Comment tu as réagi face à l'arrivée de Thierry Henry? Oui, c'est sûr que ça a été une grosse nouvelle. En ayant une légende du soccer maintenant qui va être notre entraîneur, c'est une grosse nouvelle. Donc, bien hâte de commencer à travailler avec lui. Puis, non, je pense qu'il va nous donner beaucoup d'expérience de son propre vécu en tant que joueur. Donc non, je pense que c'est excitant pour nous les joueurs et pour la ville surtout. Est-ce que tu as eu des négociations, est-ce que tu n'as pas eu des négociations, mais des pourparlers déjà avec depuis qu'il a été nommé entraîneur, est-ce que vous avez rencontré? Non, j'ai pas eu la chance de lui parler jusqu'à présent, non. OK. Samuel, comment tu entrevois la prochaine saison maintenant de l'Impact? C'était difficile, pas fait les séries éliminatoires, la Ligue des champions... Est-ce qu'on commence déjà à se préparer pour la Ligue des champions? Les matchs vont lieu en février. Est-ce que d'apprendre à connaître le club et ainsi de suite? Oui, ben nous, la pré-saison commence à la mi-janvier, un peu avant ça. Donc oui, un peu plus tôt cette année. Donc oui, en premier lieu, la Ligue des champions. On veut faire le mieux possible. Je me souviens en 2015 quand le club a eu une bonne run à la Ligue des champions. On avait toute la ville derrière nous. Moi, j'en faisais pas partie encore du club, mais j'ai vu à quel point la ville s'était rangée derrière l'Impact. Donc, on veut revivre ça encore cette année. Puis, aux côtés de la MLS, je sais qu'on a fait quelques changements au niveau de l'effectif avec Thierry Henry maintenant qui est notre entraîneur. Donc, Non, je pense que ça regarde bien. Je sais que le club travaille très fort pour mettre la meilleure équipe possible sur le terrain, okay, pour qu'on connaisse du succès autant en Ligue des Champions qu'en MLS. Samuel, dernière question, je veux te parler. Tu as participé avec l'équipe canadienne aux qualifications pour la Coupe du Monde. Vraiment, oui, là, on est sur le... ça a mal terminé avec contre les Américains, une défaite aux États-Unis de 4-0. Par contre, est-ce que je me trompe en disant qu'on est vraiment sur la bonne voie du côté de l'équipe canadienne? Oui, 100%. Je pense que l'effectif, les joueurs qu'on a présentement, c'est la meilleure équipe que Canada ait eue je pense, depuis son existence. On a des bons joueurs qui sont jeunes, donc le futur est très prometteur. Puis avec John Edmund, qui est un très bon entraîneur, je pense qu'on a la bonne personne pour justement amener ce pays à un niveau qui n'a jamais été avant, apparemment. OK. Samuel, félicitations pour ton retour avec l'Impact. Joyeuse fête à toi et ta petite famille. Pour plaisir de se parler en 2020. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Voilà, Samuel Piette de l'Impact de Montréal.